à chaque fois que l'on enlève de la matière à une planète. Sa masse globale change. Et si avec vos fusées vous poussez dessus pour décoller, vous changez l'orbite de celle-ci. Ce qui en d'autres termes nous rapproche ou nous éloigne du soleil. Accélérer ou ralentir nos rotations. Il y a 6 axes de déviation, plus les 3 rotations dans la galaxie. Nous changeons par la même l'orbite de la Lune. Devient ovale. Je ne parlerai pas de l'éloignement du noyau de la galaxie, ni de la trajectoire changée dans l'univers lui-même. Nous demandons pourquoi des changements si radicaux s'opèrent. Nous demandons pourquoi des changements si radicaux s'opèrent. Toutes ces ondes électromagnétiques, toutes les particules rejetées dans l'atmosphère, tous les déchets abandonnés. Réfléchissez. Nous nous demandons pourquoi des changements si radicaux s'opèrent. Nous nous demandons pourquoi des changements si radicaux s'opèrent. Si radicaux s'opèrent.